Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la libération des Pays-Bas par le Canada en 1945. Nous, Canadiens, heureux d'avoir aidé le peuple qui, aujourd'hui, est très fier et s'est remercié par cette cérémonie, c'est libérateur. Je suis reconnaissant envers le peuple hollandais de ne pas avoir oublié nos frères morts au combat. Le vétéran canadien Paul-Émile Pouliot, le 3 mai 2005, à l'occasion des cérémonies soulignant le 60e anniversaire de la libération des Pays-Bas par l'armée canadienne au printemps 1945. La libération des Pays-Bas par l'armée canadienne reste l'une des pages les plus importantes de notre histoire militaire. Cet épisode de la Seconde Guerre mondiale a d'ailleurs créé un lien unique entre le Canada et les Pays-Bas, un lien renforcé par le fait que le Canada ait prêté refuge à la princesse Juliana durant la guerre. Ils étaient des milliers à s'être donné rendez-vous à quelques pas de la frontière allemande, au cimetière hollandais de Groesbeek. Près de 2500 soldats canadiens y sont inhumés, tous tombés dans les derniers mois de la guerre, il y a 50 ans, comme si c'était hier. Le jour où il s'est fait tuer, j'étais là, comme à peu près 200 pieds de... Pour les survivants de ces batailles, la visite du champ d'honneur est un dernier pèlerinage au pays d'une jeunesse perdue et d'amitié disparue. Dauphin, il était avec moi. On l'a, c'est bien, bien connu. Il y a plusieurs maisons neuves. Il y a Leclerc qui est là aussi. Ah, oh, mon Dieu. Bon. Mais tous ces sacrifices n'auront pas été vains, est venu assurer le premier ministre des Pays-Bas, qui n'en finissait plus d'exprimer la gratitude de son peuple. All of us here today in Groesbeek say thank you, liberators. Thank you, Canada and the Canadians, from the bottom of our hearts. Thank you. Extrait d'un reportage de Guy Gendron diffusé au Téléjournal du 6 mai 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des Pays-Bas par l'armée canadienne. Pour nous parler de cette page d'histoire assez unique qu'a été cette libération des Pays-Bas par l'armée canadienne, je reçois Stéphane Houssel, qui est spécialiste en questions militaires et géopolitiques, qui est aussi directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Houssel, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce que ça représente, Stéphane Houssel, cet épisode-là, l'épisode de la libération des Pays-Bas par l'armée canadienne dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement pour le Canada? C'est probablement une des pages les plus importantes en termes de symboles, ce que ça représente. Donc, l'armée canadienne qui va libérer un peuple qui est sous le joug des nazis depuis 5 ans, ça crée une amitié, comme vous l'avez dit, entre les deux populations. Ça a été aussi, au plan humain, extrêmement difficile tant pour les Néerlandais que pour les Canadiens. 7000 Canadiens se sont fait tuer durant la libération, dans les deux parties de la libération. Les Hollandais ont souffert énormément, non pas tant des combats que des conséquences de la stratégie alliée. Il y a peut-être 30 000 Néerlandais qui vont mourir de faim ou de froid durant l'hiver 1944-45. C'est donc un événement qui est très significatif de ce point de vue-là. Et étonnamment, c'est quelque chose dont les Canadiens se souviennent, somme toute, assez peu. Ouais. On a cette idée, on a ces tulipes qu'on voit à Ottawa à chaque année, mais... Qui est un héritage, en fait. La reconnaissance des Pays-Bas pour les libérateurs canadiens, l'envoi de tulipes, ça a commencé comme ça. Oui, c'est le fait, comme vous l'avez dit, que la famille royale, une partie de la famille royale néerlandaise se soit réfugiée au Canada, à Ottawa, pendant la guerre. Ouais. Donc, c'est ces liens très forts qui sont créés entre les deux sociétés. Et puis une bataille essentiellement une canadienne. Ils sont seuls, les Canadiens, à la fin, là, quand vraiment le pays, quand les Pays-Bas sont libérés, c'est vraiment l'affaire de l'armée canadienne. Essentiellement. D'abord, on va dire que c'est l'affaire de la première armée canadienne, donc l'organisation, mais les Canadiens, dans la première armée canadienne, on pourrait dire la moitié des troupes ne sont pas canadiennes. Ah bon? Il y a des Polonais, il y a des Britanniques, il y a même des Américains à certains moments donnés. Et c'est largement une affaire canadienne. C'est en grande majorité des Canadiens qui sont là, mais c'est pas exclusivement. Il faut rendre justice, disons, aux autres libérateurs. Mais une histoire de succès, en tout cas, ça, c'est certain. Et c'est comme ça, beaucoup, qu'on a présenté cette histoire-là depuis des années, avec récemment... des bémols, on en reparlera un peu plus tard, mais quand même, juste un petit mot là-dessus. Il y a deux choses. D'abord, on va le voir, la stratégie des Alliés va faire qu'on va laisser la Hollande de côté avec des conséquences. Donc, elle va rester 6 mois de plus sous l'occupation allemande, ce qui a des conséquences. L'autre chose, c'est qu'on voit, c'est que l'histoire ne se termine pas à la fin de la guerre. Les Canadiens vont rester en Hollande pendant un an, Le temps de les rapatrier. Et ça, ça cause un certain nombre de problèmes, disons, de cohabitation avec la population. Au bout d'un an, je pense qu'il était temps qu'ils s'en aillent. Alors, cette campagne des Pays-Bas coïncide avec la toute fin de la guerre. C'est aussi, d'une certaine manière, la suite pour l'armée canadienne du débarquement de Normandie en juin 1944. Mais évidemment, il se passe pas mal de temps entre le débarquement et la campagne pour libérer la Hollande. Qu'est-ce qui se passe pendant cette année ou à peu près pour l'armée canadienne, Stéphane Roussel? Donc, après le débarquement, une fois qu'on a percé les défenses allemandes à Normandie, ce qui prend quand même 2 mois, donc à la fin du mois d'août 1944, les Alliés se dirigent vers l'Allemagne, donc ils vont traverser la France, vont traverser la Belgique. Le rôle des Canadiens, c'est de maintenir le flanc gauche, ou le flanc nord, si vous voulez, de l'avance alliée. Donc, ils ont un rôle important, mais somme toute secondaire. Et leur tâche, c'est d'abord de libérer les ports français, dont celui de Dieppe, où il y a tant de Canadiens qui sont tombés en 1942, et ensuite de poursuivre à travers la Belgique. Et éventuellement, ils vont se retrouver en Hollande. Donc ça, c'est la première offensive qu'attend les Canadiens après le débarquement. Et puis, il y aura, dans cette offensive-là, une bataille très, très importante, non pas seulement pour le Canada, mais ça, c'est vraiment stratégiquement une bataille importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est la bataille de l'Escaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette bataille-là est si importante? D'abord, il faut comprendre que l'Escaut, c'est l'estuaire ou ce qui mène au port d'Anvers. Et pour les Alliés, c'est essentiel d'avoir un port relativement proche du front où on va pouvoir acheminer tout ce qu'on a besoin, donc toute la logistique pour les armées alliées. Et non seulement il faut libérer le port lui-même, mais c'est tous les abords qu'il faut nettoyer. Ça va être le rôle des Canadiens. C'est ce qu'on appelle la campagne de l'Escaut, donc qui a lieu à l'automne 1944, qui se passe en bonne partie en Belgique, mais, et c'est là la première étape de la libération des Pays-Bas, il y a une petite partie du sud-ouest du pays qui va être libérée à cette occasion-là. Donc, les Canadiens vont payer un coût très cher dans cette bataille-là. C'est une bataille qui est très dure parce qu'il y a des zones qui sont inondées. Et les Allemands s'accrochent au territoire. Il y a la bataille de Walcheren, de l'île de la presqu'île de Walcheren, où s'illustre notamment le régiment de Maisonneuve qui a été mentionné dans le premier extrait qu'on a entendu. Donc, le régiment de Montréal qui va s'illustrer dans cette bataille. Donc, le Canada est très présent dans cette bataille et c'est... encore une fois, stratégiquement important pour les Alliés, mais coûteux. C'est une bataille qui a coûté cher en perte aussi. Oui, et toute la campagne va coûter très cher, en fait. Le nombre de Canadiens tués au cours de... Il y a probablement autour de 10 000 Canadiens qui sont tués dans les derniers mois de la guerre, dans ces campagnes-là. Bon, vous l'avez un peu évoqué, il se passe quand même... pas un an, mais presque, entre le moment du débarquement et le moment où les Canadiens vont libérer les Pays-Bas. C'est beaucoup de temps. Ce pays-là, les Hollandais vont être, en fait, les Néerlandais vont être à peu près les derniers à être libérés par les forces alliées. Pourquoi ce choix stratégique? Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la population locale? Oui, il faut faire un petit peu de géostratégie ici pour comprendre. C'est qu'au moment où les Alliés percent en Normandie, leur premier objectif, c'est de se rendre en Allemagne. Donc, c'est de traverser, comme je le disais, la France, la Belgique, et ensuite traverser le Rhin pour aller en Allemagne. Le drame de la Hollande, c'est qu'elle est située au nord de cet axe-là et les Alliés vont volontairement la laisser de côté en disant... Faut avancer. Notre objectif, c'est d'aller en Allemagne le plus vite possible et de mettre fin à la guerre et la Hollande va de facto être libérée le jour où l'Allemagne va capituler. Donc, Fonçons directement, visons droit au cœur de l'Allemagne et laissons de côté les zones comme la Hollande. Avec la conséquence... que les Hollandais, et surtout, en fait, les Alliés s'attendaient à une fin rapide de la guerre. Certains, à l'automne 1944, disaient « À Noël, ça va être fini. » Non, ça va durer jusqu'en mai 1945. Et tout ce temps-là, les parties de la Hollande, l'essentiel du territoire, si vous voulez, demeurent sous occupation nazie et avec les collaborateurs néerlandais qui travaillent avec les nazis. Et dans la mesure où les Néerlandais... C'est un petit épisode qui se déroule au début septembre 1944. Les Néerlandais sont convaincus qu'ils allaient s'en viennent. Et en septembre 1944, ils déclenchent des grèves, ils agissent vraiment, ils s'attendent à voir les Allemands disparaître d'une journée à l'autre. En conséquence, les Allemands vont se venger, les collaborateurs vont se venger. On va, par exemple, limiter sévèrement le transport ou de nourriture des campagnes vers les villes. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de charbon. Et les Hollandais vont devoir passer tout l'hiver 1944-45 dans ces conditions-là. C'est ce qui va créer, qui va avoir des conséquences absolument épouvantables pour la population. Et on parle carrément de famine. Là. Il y a des gens qui vont mourir de faim à ce moment-là en Hollande. Oui, et c'est même un phénomène très rare dans l'histoire récente de l'Occident. On peut retrouver des cas comme le siège de Leningrad en Union soviétique. Mais c'est très rare qu'on va voir des situations de famine aussi catastrophiques en Europe. Dans ce cas-là, on dit, bon, il y a 30 000 Néerlandais qui vont décéder de faim ou de froid, mais de faim, c'est peut-être 18 000 personnes qui meurent. Et pour les autres, écoutez, les calories, je pense que la ration de calories tombe à 500 calories par jour, ce qui est rien. Là. On comprend, évidemment, de manière stratégique, le choix militaire qui est fait, avancer le plus vite possible sur Berlin. En même temps, j'imagine, la famille royale, il y a une partie de la famille royale qui va se retrouver au Canada. Les parents sont toujours en Europe. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'ils sont, ils doivent faire pression. Est-ce qu'il y a des gens qui disent aux forces alliées, écoutez, venez à notre secours, là, on meurt de faim chez nous. Oui, oh oui, il y a des pressions qui sont faites sur les alliés. Le général Eisenhower ne démord pas de sa stratégie, donc il est d'avancer vers l'Allemagne. C'est seulement quand on sent que le front allemand est en train de s'effriter complètement au printemps 1945 qu'on va accepter que l'armée canadienne oblique vers le nord, parce que les Canadiens vont se battre en Allemagne aussi. En février et mars 1945, ils traversent le Rhin, ils se battent dans la région de la Rhénanie, mais c'est en Allemagne. C'est seulement donc, à la fin du mois de mars 1945, qu'on décide de faire obliquer l'armée canadienne vers le nord et de libérer, donc... en fait, ça va être la partie orientale, l'est de la Hollande qui va être libérée. Et l'objectif, c'est pas tellement de soulager les Hollandais que d'arriver avant les Russes, le plus proche de la frontière du Danemark. Donc, de traverser la Hollande pour aller vers l'est le plus loin possible. Encore là, c'est pour ça que les grandes villes qui sont situées à l'ouest, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, vont rester aux mains des Allemands jusqu'à la toute dernière journée de la guerre. Alors, avant de suivre les soldats canadiens, entre autres, dans cette campagne pour la libération de la Hollande, un petit mot encore, on l'a évoqué sur la famille royale, parce que ça fait partie de notre imaginaire quand on pense à notre relation avec les Pays-Bas. On l'a évoqué, les tulipes, mais quand même, la princesse Juliana se retrouve au Canada. Elle va accoucher de sa fille Margaret au Canada. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi le Canada? Pour mettre la famille royale en sécurité. L'Angleterre, au moment où la reine Wilhelmine, la famille se réfugie en Angleterre, il y a toujours ce risque de voir les Allemands débarquer. Il y a des bombardements aussi. Donc, pour s'assurer donc de mettre la famille en sécurité, on va l'envoyer au Canada, qui est encore à l'abri là, de la guerre. Petite anecdote amusante aussi, la princesse Juliana va accoucher à Ottawa en janvier 1943. Et pour s'assurer que l'enfant n'ait pas la nationalité britannique, on va déclarer la chambre d'hôpital où elle accouche comme étant territoire néerlandais. Ouais. Donc, il y a ce geste qui est posé par le gouvernement canadien pour accommoder la famille royale. Ouais. Alors, on s'attaque à cette fameuse opération de libération des Pays-Bas. Ça commence donc tard, à la fin mars 1945. C'était pas un pique-nique. C'était pas un pique-nique, parce qu'ils résistaient. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus? Qu'est-ce qu'il y avait en port de ça? C'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Dans la fin de la guerre, il y avait des soldats de 14 ans puis 15 ans dans l'armée allemande. Puis ceux-là, bien, c'était des comme des petits fanatiques. Hein? Puis, il y en avait en Hollande. Oui, oui, il y en avait en Hollande, certainement. Et ça, vous avez des souvenirs de ça? Oui, bien, ils abandonnaient pas trop vite. Et puis, alors, il fallait nettoyer ça aussi. Et comme je vous dis, là, les poches de résistantes, là, où on figurait qu'il y avait à peu près, quoi, une compagnie ou 50 ou 60 gars, on la laissait là, on continuait. Puis on mettait alentour quelqu'un pour... une coupe de tanks avec des mitraillettes, là, puis... Puis nous autres, on continue. Il faut la finir. Hein? L'ancien combattant Hormidas Larivière au micro de Julie Miville-Dechaîne le 3 mai 2005, au moment des célébrations entourant le 60e anniversaire de la libération des Pays-Bas par l'armée canadienne. On le voit dans cet extrait, Stéphane Roussel. Les Canadiens vont rencontrer des soldats allemands pugnaces, des Hollandais aussi, vous le disiez, des Néerlandais qui font partie qui collaborent, en fait, avec les Allemands. C'est la fin de la guerre. Ils savent qu'ils vont perdre. Ils se battent. C'est des jeunes convaincus, extrémistes, disaient en gros, là, le soldat de la rivière, qui se battent, qui sont prêts à mourir. Oui, c'est étonnant de voir ça, surtout quand on regarde les derniers mois de l'Allemagne, comment les Allemands vont se battre avec l'énergie du désespoir jusqu'à la toute fin. Contrairement à la Première Guerre mondiale, où ils vont abandonner. Quand ils sentent que la partie est perdue, ils arrêtent simplement. Là, ils vont se battre sans espoir de gagner. C'est pour ça que c'est un peu inexplicable. D'une part, il y a probablement une dimension idéologique pour certains. Les jeunes de 14, 15, 16 ans qu'on retrouve là ont grandi toute leur vie dans un régime nazi qui les a profondément endoctrinés. On parle vraiment fait partie des jeunesses hitlériennes. Il y a tout ce fanatisme. Là. Exactement. Ouais. Mais il y a aussi tous les gens qui savent qu'ils ont du sang sur les mains et qui savent qu'ils vont devoir payer. Notamment tous les collaborateurs néerlandais. Il y a beaucoup de Néerlandais qui servent dans le parti nazi local ou dans la SS, donc les troupes du parti nazi, l'armée politique, si vous voulez. Donc, il y a des SS comme ça qui savent que il n'y a rien qui les attend après la guerre. Ils n'ont pas d'avenir. Donc, ils vont se battre effectivement jusqu'à la fin. D'autant plus qu'Hitler a donné l'ordre, comme il va le donner à on ne sait pas combien de reprises pendant la guerre, l'ordre de tenir jusqu'au bout, jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche. Ça va aller quand même assez vite. Puis Hormidas Larivière le disait, là, même quand on est dans cette campagne de libération, une fois qu'il reste une poignée d'hommes, on contourne, on continue, il faut avancer, disait-il. Ça va aller assez vite, cette campagne-là. Décrivez-nous un peu le parcours, comment ça va se dérouler, cette campagne de libération des Pays-Bas. D'abord, donc, elle débute début avril 1945. Comme je disais, le but, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la mer du Nord, de traverser le pays le plus rapidement possible pour aller à la rencontre des Russes, et donc empêcher les Russes de s'installer trop profondément à l'ouest. Il y a des batailles effectivement très dures jusqu'à la toute fin, que ce soit donc dans la Hollande centrale ou dans la Hollande orientale. Par contre, il n'y a pas de combat qui se déroule dans l'ouest du pays, pardon, là où sont concentrées les grandes villes. Là, le problème, c'est beaucoup plus un problème de ravitaillement. Et il y a encore un épisode un peu curieux qui se produit, inhabituel dans ce contexte de très grande violence, c'est que, sentant de toute façon que c'était perdu, le gouverneur allemand, Seyss-Inquart, va accepter une trêve à la toute fin du mois d'avril pour qu'il y ait des parachutages de vivres et que des camions canadiens et britanniques puissent traverser les lignes remplis de nourriture pour aller nourrir la population qui est littéralement en train de crever de faim. Et on est à quelques jours à ce moment-là de la capitulation allemande. Autre particularité de la campagne de libération des Pays-Bas, c'est durant cette campagne-là que les premiers conscrits canadiens vont se retrouver sur le front. Oui, il faut comprendre la crise de la conscription qui s'était en fait tout le long de la guerre. En 1939, Mackenzie King a promis qu'il ne déclarerait pas la conscription. En 1940, on déclare la conscription pour le service au pays, c'est-à-dire les Canadiens peuvent s'enrôler mais refuser d'aller se battre en Europe. À la fin de 1944, compte tenu des pertes qu'on a encaissées en Normandie, on se dit que c'est nécessaire, il va falloir envoyer des conscrits. Si bien qu'en novembre 1944, le gouvernement de Mackenzie King décide d'envoyer 16 000 conscrits en Europe. Ils arrivent donc au cours de l'hiver. Ils vont être déployés en mars et avril, enfin en février-mars. Et donc, on peut dire qu'ils arrivent juste à temps pour la libération de la Hollande. Ouais. Sur les 16 000 conscrits qui sont envoyés, il y en a 2500 qui sont répartis dans les unités de combat. Et là-dessus, il y en a une soixantaine qui vont être tués et à peu près 200 qui vont être blessés. Mais l'histoire de la conscription auquel on donne tellement d'importance, finalement, ne trouve sa phase ultime que dans les derniers jours de la guerre. Nous sommes entrés à Amsterdam il y a environ une demi-heure. Nous nous trouvons en ce moment sur la place publique, la grande place. De nos camions défilent, chargés, bondés de monde. On se demande un peu comment ces véhicules militaires, que l'on sait solides, peuvent tout de même transporter ces cargaisons humaines. Les gens ont l'air un peu intrigués à l'idée de ce que nous faisons ici. Mais les Canadiens, franchement, le moindre Canadien qui défile dans les rues d'Amsterdam ce matin reçoit un accueil des plus chaleureux. Mais on sent que les citoyens qui n'ont pas cessé de célébrer la chute de l'Allemagne depuis plusieurs jours, commencent peut-être à se ressentir de la fatigue physique. Ce matin tout de même, en venant d'Utrecht, nous nous sommes aperçus que de très bonne heure, les habitants étaient déjà sur le pas de leur porte pour acclamer le moindre soldat allié qui défilerait devant eux. Marcel Ouimet, le 8 mai 1945, alors que l'armée canadienne défile à Amsterdam, c'est le 5 mai, quelques jours plus tôt, 5 mai 45, qui est annoncée la reddition des Allemands aux Pays-Bas. Une population donc heureuse qui acclame ces Canadiens, ces libérateurs, mais épuisée. Absolument. Il commence à recevoir l'aide des alliés, l'aide de nourriture et tout ça. La population hollandaise est épuisée. Les soldats canadiens le sont aussi. Les derniers mois de la guerre ont été extrêmement durs, extrêmement coûteux. Mais il y a une ambiance de fête qui s'installe tant chez les Néerlandais que chez les Canadiens. À tel point qu'on va appeler l'été 1945, on va appeler ça l'été fou, ouais. Le Crazy Summer, parce qu'il y a une fraternisation très fréquente entre la population et les troupes de libération. Ouais. Depuis quelques années, puis c'est la suite un peu de cet été fou, il y a une zone d'ombre qui est apparue dans cette histoire, qui était vraiment une histoire glorieuse, la participation du Canada à cette libération des Pays-Bas. C'est vraiment une histoire de succès. Qu'est-ce qui change dans le regard qu'on pose depuis quelques années sur cet épisode-là, Stéphane Roussel? Qu'est-ce qu'on reproche aux Canadiens? Généralement, l'histoire telle qu'elle est racontée dans les manuels ou dans les livres d'histoire militaire se termine en mai 1945. On cesse d'y prêter attention, les combats sont terminés, on dit « bon, les Canadiens sont là ». Avant de pouvoir rapatrier tous ces soldats, il y a 170 000 soldats canadiens quand même qui sont concentrés dans cette région-là, ça prend quand même un an, même si ça commence dès l'été, l'automne 1945, ça va traîner jusqu'en en mai 1946. Ce que certains historiens ont déterré, je pense notamment à mon collègue Sammy Mesley, c'est que le comportement des troupes canadiennes autant était appréciés en tant que libérateurs, autant ils ont rendu de très grands services, ils ont aidé à reconstruire les infrastructures, les transports, les communications. Autant ça peut être lourd, Monine, d'avoir 170 000 soldats qui sont fatigués par 5 ans de guerre, qui ont hâte de retourner à la maison, qui ont envie de se distraire, qui ont envie de fêter, bien, ça peut créer des chocs. Et là, on va se retrouver avec des problèmes sociaux qui, pendant cette année-là, vont s'installer. Des problèmes de prostitution, des problèmes d'accidents de voiture, souvent des soldats qui sont ivres, qui conduisent. Certains vont maltraiter la population aussi. Il y a des cas de banditisme, de vol à main armée. Et surtout, il y a un très grand marché noir. Les gens en Hollande sont affamés et c'est très facile de vouloir troquer des objets de valeur pour un peu de nourriture. Malheureusement, il y a plusieurs Canadiens qui vont abuser de cette situation-là. Si bien que ce petit côté... On dit que quand les Canadiens sont partis les derniers Canadiens sont partis en mai 1946, il était temps. Oui. Soulagement, d'une certaine façon, de la part de la population néerlandaise à ce moment-là. On était content de les voir arriver, on était content de les voir partir. En même temps, c'est inévitable, sans vouloir défendre certains gestes qui ont été posés, qui étaient indéfendables. Il y a comme une usure. C'était presque fatal. Oui. Ah oui, bien absolument. 170 000 soldats comme ça pour qui la tension vient de se relâcher. C'est pas possible de gérer ça de manière, si vous voulez. Même s'il y a eu de très, très grands efforts qui ont été faits par le commandement canadien, inévitablement, il y a des incidents comme cela. Stéphane Roussel, spécialiste des questions militaires et géopolitiques, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.